Le rassemblement central des Coréens au Japon pour féliciter l'élection du camarade Kim Jong-un au poste de président du Parti du Travail de Corée s'est déroulé le 14 à la Maison de la Culture Coréenne à Tokyo, Japon. Y ont pris part Ho Jong-man, président du Présidium du Comité Central de l'Atongyeon, Association Générale des Coréens Résidents au Japon, les conseillers et directeurs de département du Comité Central de l'Atongyeon, les responsables de ces organisations centrales et entreprises, les présidents de la direction de Tongyeon pour Canton, autres cadres de la Tongyeon et compatriotes, les enseignants et étudiants de l'université coréenne, ainsi que les élèves délégués des écoles supérieures coréennes. Dans son rapport, Ho Jong-man a souligné que la chance de la Tongyeon, puissante organisation des ressortissants coréens de notre République pour les leaders et généraux de génération en génération, et l'élection du maréchal Kim Jong-un, grand homme sans égal au poste de président du Parti Travail de Corée, dirigeant suprême de la cause Juche, sont la chance et la gloire suprême. Les participants ont écouté la lettre adressée au maréchal coréen. Par ailleurs, l'exposition centrale de photos de Tongyeon et la représentation artistique pour féliciter l'élection du maréchal au poste de président du Parti Travail de Corée ont eu lieu le 14 à la Maison de la Culture Coréenne à Tokyo.